Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus en cette soirée. Alors on sait que le mois de juin c'est difficile parce qu'il fait beau. Enfin, de toute façon à Marseille c'est toujours difficile de trouver le public parce qu'une fois il pleut, une fois il neige, une fois il fait trop chaud, il fait trop froid. Mais bon, en tout cas merci à ceux et celles qui sont présents. Donc aujourd'hui on a, je crois tout le monde connaît le CIRA ici, ou si vous voulez en savoir plus, mais là je crois que maintenant tout le monde connaît et on peut en discuter après autour d'un verre. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, et vous avez remarqué qu'il y avait une braderie, elle ne sera peut-être pas complètement remballée ce soir, donc vous pourrez encore en profiter. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mélodia Sirvent, qui vient de la région de Perpignan. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés parce que le CIRA fait pas mal de tables de presse en France et à l'étranger, et depuis plusieurs années, c'est Gilbert qui avait commencé à aller à une fête de la CNT qui se passe dans des... Alors c'est marrant, dans la région de Perpignan, il y a des... les communes ont des espaces à pique-nique et c'est des endroits très agréables. C'est arboré, on peut faire des grillades, on peut se faire à bouffer. Et bon, c'est assez convivial, ces fêtes de la CNT. Et puis il y a quelques tables de presse et puis des interventions aussi des syndicalistes qui disent ce qui s'est passé, les luttes en cours. Et bien, le CIRA a été invité, alors des fois la météo, justement à propos de météo, il y a eu une année, il y a eu une tramontane terrible, alors je me souviens les livres, tout s'envolait, la bouffe s'envolait, c'était absolument, parce que la tramontane ça vaut largement le Mistral d'ici. Et donc Mélodia, bon, après je vais la laisser parler parce qu'elle a plein de choses à vous dire, mais donc elle va vous parler de son grand-père. Et donc il y a plusieurs étapes, comment en étant arrivé à ce livre que j'ai lu et dont je vous conseille la lecture. Il reste quelques exemplaires. Mélodia en a aussi. J'en ai d'autres. Hein. Donc on le fait à 12 euros. Tu fais ce que tu veux. Ah, hein, oui. Bon, d'accord. Mais après les tiens, tu les feras à 12 euros, c'est ? Ah oui, bien sûr. Donc alors 12 euros, oui. Profitez-en au lieu de 15. Donc c'est une affaire. Donc, qui a été édité maintenant, il y a presque un peu plus d'un an, je pense, aux éditions... Non, mai 2017, oui. Un an. Aux éditions de la CNT région parisienne. Hein. Donc, la CNT, une des CNT qui existe dans notre pays et qui a une maison d'édition qui s'appelle la CNT RP. Non, c'est les éditions CNT RP. Allez, à toi la parole. Bon, ben, merci Philippe de m'avoir invité. Et je suis très fière de venir au CIRA parce que justement le CIRA c'est quand même le centre international de recherche sur l'anarchisme. Et donc j'avais l'intention peut-être plus tard, mais pour l'instant je veux garder ce manuscrit vraiment très précieux qui est le manuscrit des mémoires de mon grand-père qu'il a écrit dans les années 60. Il vivait à cette époque-là dans la région parisienne avec ma famille, mes parents et moi-même. Et donc, moi, je l'ai vu écrire donc, ce manuscrit. Et donc, ce manuscrit, je l'ai vu, il l'a écrit d'Angers. C'est incroyable comment une personne... Mais il paraît que c'est dans les anarchistes espagnols de l'époque, c'était fréquent. Maintenant, aujourd'hui, on écrit avec plein de livres, plein de notes, etc. Et eux, ils ont tout dans la tête. Et pourtant, c'est quand même... Il y a quelques dates. Et donc, c'est incroyable qu'il ait écrit d'Angers. Et en plus, c'est chronologique, bien sûr. Mais ses mémoires, il les a écrites dans un but, et il le dit dans son dans le premier chapitre. Il dit, bon, je ne vais pas lire ce qu'il a écrit, je vais vous résumer. En fait, il écrit ses mémoires parce que lui-même, il n'a pas connu, ce qu'ont fait ses grands-parents, il trouve que c'est dommage que les descendants ne sachent pas, même pas le nom, le deuxième, parce qu'en Espagne il y a deux noms. Et lui il dit, moi je connais même pas le deuxième nom de famille de mes grands-parents. Et en plus, je ne sais pas ce qu'il faisait, bon, il se dit ce qu'il faisait, mais il se dit que c'est dommage. Donc lui, il a envie d'écrire ses mémoires pour sa famille, pour leur dire, voilà ce que j'ai fait de ma longue vie, parce qu'il avait, donc il est né en 1889 à Elda. Hein, dans la province d'Alicante, c'est pour ça que le livre là qui est la traduction donc de ses mémoires, ils ont marqué le cordonnier d'Alicante. Et lui, là, le titre qu'il avait mis dans ses mémoires, c'est un militant de l'anarchisme espagnol. Voilà. Parce que ça résume bien ses mémoires. Parce que lui, ses mémoires, c'était pour, quand même pour ses descendants, donc, puisqu'il le dit que c'est pour ses descendants et ses proches et ses amis. C'est comme un testament, enfin il ne le dit pas ça, c'est moi qui le dis, un testament politique, quoi. C'est en fait, il veut faire sur l'anarchisme espagnol, parce qu'il sait très bien, quand c'est dans les années 60, que ça va être oublié, on n'en parle pas d'ailleurs. C'est complètement gommé dans les livres d'histoire. Moi, j'étais dans les années 60 au lycée, et on ne parlait pas du tout de l'Espagne libertaire. Hein. Parce que maintenant, après la chute du mur en 89, maintenant il y a une littérature très abondante sur le sujet, et maintenant, bon, il y en a en veux-tu, en voilà, c'est très très bien, c'est formidable qu'il y ait tous ces livres, ça on peut que s'en féliciter. Mais disons que quand lui il a écrit ses mémoires, il n'y avait pas grand-chose, à part, si, il y avait des livres, mais avec publication restreinte, à la CNT justement, voilà, l'édition CNT de l'époque espagnole, etc. Donc lui s'est dit, bon, moi je veux pour mes proches, ils sachent à quoi j'ai consacré ma vie, et pour il espère qu'évidemment que ses descendants, ils en garderont quelque chose. Il le dit, j'espère que mes descendants en garderont selon leur... alors c'est très joli ce qu'il dit, je ne vais pas le dire parce que faut que je cherche, j'aime pas ça, selon son caractère chacun, parce que il n'imposait rien. La preuve, c'est que moi j'étais même pas au courant de ce qu'il avait fait dans toutes ces années, hein, enfin des années donc du début du siècle jusqu'à les années il a arrêté un peu son militantisme dans les années 50. Après il a arrêté, bon, après moi je suis allée avec lui, ma famille, comme c'était des réfugiés, hein, donc politiques, à Paris et Toulouse, c'était une concentration de réfugiés anarchistes espagnols, ou simplement réfugiés, il n'y avait pas que des anarchistes, mais bon, il y avait une forte concentration à Paris et à Toulouse. Et dans ces deux grandes villes, il y avait beaucoup de militants, et il y avait tous les ans, donc il y avait une fête annuelle. Le matin, c'était une espèce de congrès, on va dire, et puis l'après-midi, c'était un gala. Bon, moi, comme j'étais jeune, au début de ces années-là, les années 50, quand je me suis mis en 52, bon, maintenant tout le monde va savoir mon âge, tant pis. Donc, dans ces années-là, on m'emmenait donc une fois par an au gala, et ce gala, le matin, donc, il y avait ce congrès. Et moi, maintenant je vais raconter un peu ma vie, mais enfin bon, j'assistais à ce congrès, et comment dire, il y avait Federica Monseni. Et moi, c'est ça qui m'avait. Moi, j'étais petite, hein, je ne sais pas quel âge j'avais, mais enfin, si, entre 6 et 8 ans, on va dire. Et ça m'avait. Je trouvais une femme qui était à la tribune, quoi. C'était formidable, quoi. C'est la première fois, même en France, hein, pas beaucoup de femmes qui prenaient la parole et qui menaient un congrès. Et donc, pour moi, c'était formidable. Donc, c'était Federica Monseni, je pense que peut-être certaines personnes le connaissaient. Elle a été quand même ministre de la Santé en 1936. Elle était de la CNT et à la Fédération aussi anarchiste. Donc, moi, je trouvais que c'était formidable. Moi, évidemment, comme il y a eu dans le mouvement libertaire, il y avait beaucoup, évidemment, de position, hein, comme dans tout mouvement. Lui, apparemment, il ne la passait pas. Il n'était pas de la même tendance. Voilà. Alors, donc, ce livre aussi, il est très intéressant du point de vue, justement, qu'il raconte aussi le mouvement libertaire dans toutes ses tendances. Il explique bien. C'est pas un livre de politique quand même. C'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un roman. Donc il raconte sa vie, et il y a beaucoup de dialogues avec des petites anecdotes. Enfin, c'est assez agréable à lire moi-même, et puis ceux qui l'ont lu et les échos que j'en ai eus. Peut-être qu'il pourra nous en parler. Le fond, c'est son testament sur l'anarchie. Sa conclusion, et qui est la mienne aussi, que l'anarchie n'est pas une utopie, mais que ça peut exister. Elle a existé en Espagne, hein, donc en 36. Mais elle se prépare. Les révolutions libertaires, comme ça, enfin, avec une nouvelle organisation de la société, ça sort pas comme ça par miracle. Et donc, ce livre montre aussi que ça demande beaucoup de travail. Et puis, c'est pas, c'est pas toujours la fête. Bon, y a beaucoup de fêtes, hein, mais je veux dire, ça demande beaucoup de militantisme, beaucoup de, il faut avoir comme une espèce de foi, hein, bon, faut y croire, quoi. Hein, c'est comme, je vais pas dire une religion parce que c'est moche de le dire en ce moment, mais c'est vrai qu'il faut quand même être passionné, on va dire, passionné par cet idéal. Parce que lui, par exemple, on voit quand même, il a sacrifié beaucoup de choses. Et puis cet idéal, à cette époque-là de l'Espagne, bon, donc, faut le dire, bon, c'était quand il est né, c'était encore la monarchie. Donc il fallait lutter contre la monarchie, il fallait lutter contre l'Église omnipotente, hein, à cette époque-là. D'ailleurs, elle l'est encore. Hein, hein. Le patronat qui était évidemment lié avec la monarchie et puis l'Église. Donc ces trois puissances, évidemment, ça soumettait tout le peuple. Et alors lui et puis d'autres, donc des millions d'Espagnols, de militants, hein, parce que donc je vais rappeler comme ça juste des petits chiffres. C'est en 36, parce que bon, c'est quand même important en 36, puisque c'est à ce moment-là le peuple a gagné contre une armée. Il y avait 2 millions d'adhérents à la CNT. C'est pas rien. Je rappelle, même si je ne suis pas de la CNT, j'étais à la CNT, bon, il y avait l'UGT aussi qui était quand même très importante, donc 1 500 000. Donc quand même, ça fait 3 500 000 de personnes qui voulaient un changement. Parce que c'était l'UGT à ce moment-là, c'était les socialistes, mais bon, il y en avait quand même beaucoup qui voulaient un changement de société. Donc, ça liait souvent. Mon grand-père parle beaucoup de ça, même s'il était anarchiste, il n'était pas sectaire. Enfin, c'était pas il a eu des ennuis d'ailleurs, parce qu'il n'était pas sectaire. Et donc, ils se sont souvent liés dans des villages, ils n'étaient pas tout seuls, à l'UGT. Voilà. L'UGT, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la tendance socialiste. Donc, ils n'ont pas le même fonctionnement, évidemment. Parce que bon, les syndicats socialistes, c'est comme ceux d'aujourd'hui. Donc c'est pas anarcho-syndicaliste, hein, effectivement. C'est pas du tout le même fonctionnement. Et donc c'est plus autoritaire, évidemment, dans l'UGT. Alors que les anarcho-syndicalistes, ça part de la base pour aller à un congrès, etc. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ce livre... C'est pour faire donc l'apologie donc évidemment du communisme libertin, faut pas se le nier, et aussi pour changer l'image, parce que même dans les années 60, l'image de l'anarchiste en Espagne et en France, on lui parle de l'Espagne bien sûr, mais c'est à peu près la même image. C'est les anarchistes sont des violents, évidemment il y avait aussi à l'époque la propagande par le fait des anarchistes qui lançaient des bombes. Après, bon, alors effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'anarchisme, il y a plusieurs tendances. Voilà, il y a la place pour tout le monde. Hein. Bon, et mon grand-père en parle, il n'est pas du tout d'accord naturellement avec l'anarchisme, la propagande par le fait. Et lui, pour faire court, il était de la tendance de pacifiste. Alors, pour dire, il était. Je ne sais pas si vous connaissez Gaston Leval, c'est un anarchiste libertaire français. Et dans les années 14-18, il y avait la guerre en France, parce qu'en Espagne, elle a été neutre, donc on n'a pas fait la guerre. Et donc, c'est un déserteur. Donc, il est venu en Espagne parce qu'il a déserté. Il était dans un. Je ne sais pas où est-ce qu'il était, dans un régiment, et il a déserté. Il s'est retrouvé à Barcelone, et à cette époque-là, mon grand-père était à Barcelone. Et donc, je ne sais pas par quel hasard, ils ont été dans le même groupe anarchiste. Donc, ça veut dire qu'ils étaient de la même tendance. C'était pour dire ça. Et le plus incroyable, c'est que je n'ai pas lu. Tout le monde m'a dit, il faudrait peut-être que tu lises. Et effectivement, là, j'ai feuilleté un petit peu. C'est vraiment, on retrouve vraiment la même mentalité, c'est-à-dire ils sont passionnés par que le peuple puisse justement faire des collectivisations, etc. Il soit capable de reprendre une société en main, c'est-à-dire toute l'économie, parce qu'en 1936, c'est ça. Toute l'économie a été reprise par les travailleurs. Hein, ils ont pris le pouvoir, si on veut dire. Là, c'est vraiment le pouvoir du peuple. Hein, et donc, par exemple, mon grand-père, là, je parle vraiment dans tous les sens, mais ça va, c'est pas grave. Ça fait rien. Je suis comme ça. On va pas se refaire. En 36, mon grand-père, comme il avait fait, et c'était déjà en 36, il a 46 ans. Donc c'est déjà un vieux militant. Alors donc, à ce moment-là, il avait été mis à l'écart mais il était toujours dans un groupe anarchiste. Il était dans un groupe qui ne faisait pas partie de la FAI. La FAI, c'est la Fédération anarchiste ibérique. Il avait été exclu pour des raisons, bon, comme toujours, dans tous les groupes, il y a des choses comme ça. Mais il était connu, parce qu'il avait fait déjà beaucoup de choses auparavant. Donc au moment du coup d'État de Franco, il était bien sûr au courant, comme tous les anarchistes espagnols, ils étaient au courant qu'il allait y avoir un coup d'État. Ils étaient prêts à aller chercher les armes dans les artilleries, etc., pour seulement contrecarrer le coup d'État. Comme il était connu, et puis qu'ils avaient besoin quand même de gens pour reprendre la société en main, et lui, bon, il avait été déjà secrétaire de la CNT, il avait fait déjà plein de propagande dans toute l'Espagne, donc... On le connaissait, on savait qu'on pouvait compter sur lui, quoi. C'était un bon militant anarchiste, donc il connaissait bien tout ça, et c'était un très bon cordonnier. Il connaissait tout dans le métier de la chaussure et du cuir. Et donc on lui a demandé de se mettre dans l'organisation, et là il a accepté de gérer la collectivisation de la chaussure. Voilà, alors la chaussure, c'était, bon, essayer de tout réorganiser, après distribution, parce que là, il y avait la guerre, enfin, il y a eu la guerre, et donc il fallait donner des chaussures à l'armée du peuple, quoi. Et donc, lui, il explique, donc, pendant 6 mois, il a géré une collective d'organisation de la chaussure à Barcelone, évidemment, la région de Barcelone, il y a un tramway. Parce que c'est trop grand sinon. Et donc, au bout de 6 mois, c'est une anecdote pour lui, hein, parce qu'il ne parle pas trop des dissensions. Il ne le dit pas pourquoi il est mis à l'écart. Mais en fait, on sait bien qu'à cette époque-là, les communistes entrent dans le gouvernement. Et ça y est, c'est la mainmise du Parti communiste sur le gouvernement républicain. Et donc, tous les anarchistes sont écartés de partout. Et après, bon, il y a l'essai de militarisation de l'armée du peuple. Bah, ça, bon, c'est une anecdote qui n'en parle pas, parce que lui, c'est pas un militaire. Enfin, il s'occupe pas de la guerre. Donc, mais il explique aussi qu'il est mis à l'écart, mais il évite un peu tous les conflits. Hein. C'est quelqu'un, c'est vrai, je ne sais pas s'il est comme Gaston Leval, enfin il évite un peu le conflit. Bon, alors je revenons à nos moutons, donc il écrit pourquoi, donc je vous l'ai expliqué pour donner une autre image de l'anarchiste, parce que lui justement, un peu partout dans le livre, on voit qu'il aime bien, par exemple, il a mis en scène, il y a une scène où il y a un gardien de prison qui lui dit « Comment ça se fait, vous, un travailleur, un cordonnier un artisan aussi honnête, etc., vous soyez anarchiste. » Enfin, il ne voyait pas du tout des anarchistes comme ça. Alors il dit, c'est comme ça, et voilà, moi je combats l'injustice sous tous les régimes. Enfin, il profite tout le temps de faire de la propagande, en fait, même avec un gardien. Enfin, moi je trouve ça très amusant, parce que il n'en rate pas une, quoi. Pour remettre, sa propagande, il fait du prosélytisme à tout moment. Et partout, quoi, parce que dans sa vie, comme il met en pratique, et c'est ça qui est formidable dans le truc, c'est que c'est un anarchiste qui met en pratique les théories. Hein. Parce que bon, par exemple, il explique dans sa vie, quand dès qu'il a été imprégné des idées, etc., il a voulu les mettre en pratique. On disait donc que c'était l'union libre. Bon, bah, du coup, il voulait pas se marier, ni à l'église, ni civilement. C'était possible. Donc, il a fallu qu'il explique à sa femme. Enfin, bon, ça, c'est très amusant aussi. Avant l'union libre, il y a eu l'enterrement civil de sa mère. Ça a été le premier enterrement civil de l'époque, l'Espagne. Il y en a eu d'autres, hein, dans d'autres villes. Mais Aïda, c'était une ville qui était quand même assez importante. C'est une petite ville, je ne sais pas si vous connaissez, c'est près d'Alicante. Et c'est une ville maintenant qui doit avoir, je ne sais plus, je l'avais été voir, mais je ne sais plus. Bon, disons que c'est quand même assez grand. Hein. Bon, à l'époque, il y avait un théâtre, il y avait pas mal de choses. Hein. C'était l'industrie de la chaussure qui débutait. Donc il y avait pas mal de cordonniers, de métiers. L'industrie de la peau, enfin, il y avait d'autres qui en rapport avec la chaussure, quoi. Donc, il y avait beaucoup de travailleurs et il y avait beaucoup de monde. Et il explique comment ça s'est passé, l'enterrement civil de sa mère. Et je trouve que c'est les meilleurs passages du livre. Moi, c'est ça, c'est l'enterrement civil de sa mère. Et l'union libre avec Dolores, sa compagne de toujours, et que je n'ai pas connue, hein, parce qu'elle est morte en Espagne justement en 1948. Il fait terminer son livre en 1948, donc il est né en 1889, parce que donc ses mémoires commencent en 1889 à Elda. C'est pour ça que ça s'appelle le cordier de Alicante, parce que Alicante, tout le monde connaît hein, en principe, parce que Elda, bon, alors et c'est la province d'Alicante, Elda. Partie de la province d'Alicante. Et donc il est né à Elda, et puis il a fait des va-et-vient entre son village et Barcelone surtout. Parce que quand il a fait son enterrement civil et l'union libre, alors inutile de vous dire que la coalition, le préfet qui représente la monarchie n'importe quoi, enfin, le préfet, les patrons et les curés lui sont tombés dessus. Et ils ont dit, mon garçon, faut arrêter les frais, hein. Sinon, il risquait gros. Et déjà, ils ont commencé par sa compagne à l'époque, ou sa fiancée, je ne sais plus. Elle a été licenciée, ses patrons l'ont licenciée, parce que, bon, elle est en union libre, ça ne se fait pas. Donc c'est le début de son errance, on va dire. Et là, il a été à Barcelone. En gros, il faisait Barcelone, il revenait de temps en temps à Elda. Quand il avait besoin de revenir pour militer, en fait. En plus gros, c'était militant, parce que bon, il n'a pas arrêté, hein. Malgré tous les inconvénients. C'est ce qui est dit dans le résumé derrière, hein. Lui, par tous les régimes, il n'a pas arrêté de militer et il a toujours eu la prison. Il a eu de la chance. Il n'a eu que ça, quoi. Enfin, c'est déjà pas mal, mais après, il n'est pas mort. Bon, mais parce qu'il a inspiré confiance, parce que c'est aussi son attitude. Il se méfiait tellement. Bon, le professeur Abranson, avec qui j'ai fait ma maîtrise, il me disait, mais il était super intelligent. Moi, je ne peux pas le dire, hein. C'est pour ça que je fais parler à mon professeur. Et il avait une intuition formidable, c'est qu'il sentait quand il y avait un danger et qu'il fallait se taire, il fallait mieux laisser, on laisse couler, quoi. Parce que comme ça, c'est vrai qu'il n'a jamais eu de problème. Si, sauf de rester en prison. Mais c'est pas mal déjà, mais bon, il n'a pas reçu de coups, il n'a jamais été tabassé à mort, etc. Et donc ce livre, et je vais expliquer aussi les raisons pourquoi on a pu arriver jusque-là. Alors donc, mon grand-père qui a écrit donc ça dans les années 60, Après, moi, comment dire, je me disais qu'il fallait qu'un jour je les édite, malgré que lui, il ne voulait pas. Il le met quelque part. Je vais lire ce petit passage, parce que, en fait, c'est assez important. Mon propos n'est pas en écrivant ces mémoires de tic avantage de ce que j'ai pu faire pour les aider, ni encore moins de fanfaronner ni de faire éditer ses souvenirs. La seule motivation qui me pousse est de laisser de mon vivant quelque chose d'écrit sur le déroulement de ma longue vie, pour que mes enfants sachent à quoi l'auteur de leur jour occupait son temps, pour qu'ils en gardent ce qu'ils pensent aller de pair avec leurs propres sentiments. Alors donc, moi je marque, ça c'est de mon introduction, alors moi je dis effectivement, lui il ne voulait pas, mais moi en tant que sa petite fille, je veux honorer sa mémoire et que justement son œuvre perdure. Donc je me suis permis qu'un jour je ferai la publication, parce que bon, j'ai pas pu le faire tout de suite, parce que d'abord il faut trouver des éditeurs, et ça c'est pas facile, hein. Parce que pour éditer une œuvre sur l'anarchisme, bon, c'est pas facile. Alors comment on a pu arriver jusque là? Alors après, dans les années 90, moi j'ai repris des études. Et pendant ces études, donc, j'ai rencontré un professeur et avec qui j'ai parlé de Machado, parce que bon, Machado, vous connaissez, c'est un écrivain philosophe qui était républicain, quoi, qui était pour le peuple, et donc il a été obligé de passer, comme tous les autres réfugiés, la frontière, et il est enterré à Collioure. Donc c'est vrai que c'est un très bon poète et un très bon philosophe aussi. J'ai pu lire ses écrits avec ce professeur. Et alors, bon, évidemment, à Collioure, c'est là où on habite, enfin pas loin, c'est dans le département des Pyrénées-Orientales. Et donc, on fait beaucoup de commémorations, etc. Je dis oui, on fait des commémorations des intellectuels. Parce que bon, c'est vrai que bon, c'est normal, je dis pas le contraire. Mais je veux dire qu'il y a eu quand même 500 000 réfugiés espagnols qui ont passé la frontière, on n'en parle pas. Enfin si, maintenant, il y a quand même des commémorations de la retirade à Argelès tous les ans. Mais bon, comment dire, on ne parle pas de leur œuvre. Parce que bon, là, on parle de Machado, bon, là, on parlait de son œuvre. Mais de l'œuvre des libertaires, on n'en parle pas. Sauf maintenant, on en parle plus, comme je vous ai dit après en 89, mais j'ai dit, moi, mon grand-père, il a écrit ses mémoires. Alors là, moi, j'ai parlé de mémoires, les universitaires, je ne sais pas si vous êtes au courant, aussi, ils adorent maintenant les mémoires, enfin les manuscrits, etc. Parce que bon, après, bon, ils font des recherches, hein, c'est très très bien. Mais ça ne se faisait pas trop avant, il paraît. Bon, ça, je l'ai su qu'après. Et que donc maintenant, ils aiment bien des manuscrits comme ça, écrits par ceux qui ont vécu l'histoire, quoi. Parce que bon, après, en faisant des comparaisons avec d'autres manuscrits, etc., bon, parce qu'on ne peut pas toujours croire une personne, elle peut toujours enjoliver la vérité, etc. Mais donc, pour la vérité historique, etc., quelque chose comme ça, surtout que lui, c'est un anonyme. Enfin, bon, personne ne connaît Monsieur Manuel Servan. Et pourtant, il a fait beaucoup pour le mouvement anarchiste. Et donc, c'est très précieux. Alors, quand je lui ai dit que j'avais ça, cet universitaire, enfin, ce professeur, elle m'a dit, ah ben ça, c'est ta maîtrise, parce que je n'avais pas fait ma maîtrise. Alors donc, c'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise avec seulement les 5 premiers livrets, parce que donc, il a écrit sur des livrets de correspondance dans les années 60, ça se présentait comme ça. Je ne sais pas si là-dessus. Et puis bon, et alors, bon, l'écriture est très belle, enfin moi je trouve, et je crois presque sans rature, hein, donc comme je disais tout à l'heure, c'est assez incroyable. Et donc, il m'a dit, ah là là, mais ça va être très très bien. Effectivement, j'ai passé mon mémoire, et ils étaient très contents. Et puis ils m'ont dit, bon, faudra, si tu retrouves les autres manuscrits, ça serait bien de continuer, etc. On a fouillé partout, et on les a retrouvés. Alors du coup, avec un autre universitaire, Monsieur Delhomme, qui était à ce moment-là à Perpignan, C'était un jeune professeur qui cherchait du boulot à ce moment-là. Il venait de passer sa thèse. Et donc, il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors, mon prof, il a dit, ah ben tiens, on va lui dire de venir avec nous pour faire ce travail. Et à l'époque, donc, l'universitaire, il voulait publier à Perpignan. Mais évidemment, à Perpignan, comme un peu partout d'ailleurs, bon, les subventions baissant, ça n'a pas pu se faire. Donc, Joël Delhomme voulait faire vraiment un gros travail, et puis moi, je ne sentais pas le courage, il faut dire la vérité, de faire plein de notes, parce que vous voyez, alors ça, c'est le livre de mémoire de mon grand-père, parce que dans ce livre-là, il n'y a que la mémoire de mon grand-père, il n'y a pas quasiment aucune note. À part, bon, après, j'ai mis, on a mis les noms des gens, enfin, c'est pas des notes qui peuvent gêner la lecture de ce livre. Enfin, c'est comme un roman. Alors, imaginez un roman, vous mettez des notes, bon, ben, ça coupe la lecture, et bon, etc. Donc, les éditions CNT, là, et moi-même, on voulait pas refaire ce qu'avait fait c'est un universitaire. Donc, il a fait un livre universitaire, ça s'appelle d'ailleurs Édition Critique. Il n'a pas mis là, mais enfin bon, c'est une édition critique. Donc, c'était très utile en tout cas, parce que justement, et voilà ce qu'il dit, parce que c'était très important pour un livre comme ça de mémoire, pour qu'on sache qu'il n'a pas menti. Alors, lui, justement, dans son introduction, il dit, M. Delhomme, cette édition très riche en renseignements sur toutes les avances, sur tous les événements cités par Manuel Sirvent, donc il parle de ce livre-là, Militarité de l'anarchisme espagnol, donc c'est bien les mémoires de mon grand-père. Alors, cette édition qu'il a fait, c'est moi qui dis très riche en renseignements, sur tous les événements cités par Manuel Sirvent, en atteste l'authenticité. Alors, voilà ce que dit M. Delhomme, en espagnol, parce que ça a été écrit en espagnol. Nuestras investigaciones nos permitieron comprobar que Manuel Sirvent pocas veces se equivoca, lo que nos autoriza a juzgar su relato digno de crédito. Alors, nos recherches nous ont permis de constater que Manuel Sirvent se trompe rarement, ce qui nous autorise à considérer son récit digne de foi. Alors là, ça m'a rassuré, oui. Et puis bon, on pouvait le marquer, puisque c'est lui qui en atteste à l'universitaire. Hein. Donc ça, c'est Joël Delhomme, hein, bon, que je connais bien maintenant, parce qu'on est resté quand même un an pour travailler. Alors, comment on a travaillé? Si ça vous intéresse, je vous le dis en deux secondes. Je le dis parce qu'on a le temps, parce que c'est vrai que sinon je me perds un peu. On est dans les temps. Alors, on a travaillé donc avec M. Bellis, il a marqué avec la collaboration de Pierre-Luc Abrançon, donc c'était mon professeur qui m'a fait passer ma maîtrise, et moi-même, évidemment, puisque c'est moi qui fournissais le manuscrit. Donc, on lisait le manuscrit, et moi, j'avais dactylographié le texte. Et alors, on regardait voir s'il y avait parce que bon, il a fait des fautes, des répétitions, etc. Alors bon, moi j'ai corrigé parce qu'il n'y a pas beaucoup de ponctuation. Bon, c'est bien écrit, mais il y avait quand même des fautes de c'est pas la grosse faute. Enfin, il fallait mettre des points, des virgules, pour que ça soit un peu lisible, mais remettre des paragraphes, enfin tout ça, quoi. Alors bon, moi j'avais préparé le travail, et puis après avec donc les deux autres professeurs, on regardait si c'était convenable, corriger des mots, enfin des orthographes, en gros orthographe, grammaire, ponctuation, etc. Et puis bon, et autrement on n'a pas touché vraiment au texte. On a essayé de corriger que l'orthographe, la ponctuation, et puis bon, mettre en ordre. Voilà, c'est tout. Donc lui, il a fait ça, on a fait ça ensemble. Et après, lui il a fait ce livre avec les notes, donc. On avait commencé, hein, les notes, mais bon, ça demandait un gros travail parce qu'il y a des recherches énormes, parce qu'il est allé même, par exemple, c'est pour ça que mon grand-père et moi, j'avais marqué 1890 pour la naissance, et lui, il a corrigé 89, c'est parce qu'il a été chercher même à l'état civil d'Elda, hein, vous vous rendez compte, enfin bon, un travail monstrueux, quoi. Il est dans les archives aussi de Elda, la bibliothèque. Ça, il m'avait envoyé, il y était allé, puis après il m'a envoyé. Je suis allée comme ça, j'ai pu voir ma famille. Et il m'a envoyé à Elda pour voir si je trouvais d'autres, des livres, des journaux. Puis à Alicante aussi, à l'université. Enfin, il a fait un travail de longue haleine. Hein. Ça a duré longtemps quand même, pas mal d'années. Hein. Parce que bon, moi ma maîtrise était en 94. Et lui, il a fait l'éditer en 2012. Alors ça, parce qu'il n'a pas trouvé d'éditeur aussi. Hein. Il a eu beaucoup de mal en France, c'est impossible. Parce que bon, sinon, après, il m'aurait demandé de faire la traduction. Mais, espagnol, on a essayé de faire espagnol et traduction. Mais impossible, quoi. Il ne trouvait pas d'éditeur. Et il a trouvé, bon, en Espagne, évidemment, parce que c'est la Fondation Anselmo Lorenzo, qui est le père de l'anarchisme espagnol. Donc là, effectivement, ils ont voulu, hein, parce que bon, eux, ils sont justement très, très, très, très, enfin pas très curieux, mais enfin très, comment dire, très intéressés de publier ça. D'ailleurs, ils ont été très, très contents. Je suis allée avec Joël présenter à la librairie et à la fondation en même temps. Et donc, il a trouvé, mais c'était en 2012. Enfin, il a pu le publier qu'en 2012. Hein. Alors que bon, j'ai fait ma maîtrise en 94 et avec Joël, on était en 95 ensemble. Alors ça fait presque 20 ans. Quoi. Et par contre, pour la traduction française, bon, je lui ai dit, bon, la traduction française, moi je vais essayer de trouver par moi-même. Si tu ne trouves pas, puis tu n'as pas le temps, de toute façon ça ne t'intéresse pas. Enfin, ça ne l'intéressait pas. En plus, la traduction française, lui, il avait fait son travail d'universitaire. Alors donc, j'ai rencontré enfin, les copains de la CNT qui ont dit qu'ils étaient très intéressés. Parce que justement, eux, les raisons de l'édition, bon, il y a Aimé Marseillan, qui est un proche de la CNT et qui est un spécialiste vraiment du mouvement espagnol libertaire, anarcho-syndicaliste et anarchiste. Et alors, lui, c'est un puits de science là-dessus. Vraiment, je ne le connaissais pas et je l'ai connu pour l'édition là, du cordonnier. Et vraiment, il connaît beaucoup de choses. Et comme ça, bon, il y a plein de... Même pour les noms, enfin, il a aidé pour faire les notes annexes là aussi. Et donc, lui les raisons, il donne les raisons de pourquoi les éditions CNT ont édité ça. Et alors eux, leur truc principal, c'est que c'est un cordonnier, c'est un travailleur. Ouais, c'est ça, c'est pas un intellectuel. Parce que souvent, les écrits sont faits par des intellectuels, qu'ils soient français, espagnols, bon, etc. C'est des gens qui d'abord, c'est des jeunes, enfin, c'est des jeunes, enfin, c'est des contemporains. Et donc, ils ont beaucoup lu. Et il n'y a pas trop, justement, sur de travailleurs qui ont écrit sur le mouvement libertaire, et puis ils ont écrit leur mémoire, quoi. Donc c'était pour eux, c'était précieux, et que c'était important de l'éditer, quoi. Parce que c'était un cordonnier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis le cordonnier, parce que d'abord, la CNT, c'est un syndicat de travailleurs. Et en plus, bon, lui, il fait quand même, il parle beaucoup de la CNT, des méthodes de la CNT qui sont restées les mêmes, on peut dire, enfin, peu de choses près, hein, pas tout à fait, mais enfin, bon. Mais disons que c'est le même esprit, etc. Donc, ils sont intéressés de un livre qui parle de la CNT espagnole, puisque après, la CNT française a commencé justement avec les Espagnols quand ils sont venus après la guerre d'Espagne. Hein, donc c'était important. Ce livre explique un peu justement l'anarcho-syndicalisme française, enfin de la CNT en tout cas. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour, hein, il me semble. J'ai oublié des choses. J'ai sûrement oublié des choses, mais bon, là ça commence à faire le. On va poser des questions. Il est 8h10, donc je préfère m'arrêter là. Sans raconter tout le bouquin, mais bon, après. Voilà, je pense que là j'ai fait tout, voilà. S'il y a des questions. À la lecture du bouquin, la petite introduction avant de vous laisser la parole, c'est quand même. Bon, ça, comme tu l'as dit, on s'aperçoit que 36, c'est pas arrivé comme ça. C'est que depuis, donc lui il est né en 1889, donc depuis cette époque. Je crois que ça a commencé les premiers anarchistes vers 1870, il y avait des émissaires italiens, ils ont fondé l'International. Donc il y a un travail de militantisme, surtout de propagande, et encore propagande c'est un mot qu'on n'aime peut-être pas trop, mais d'éducation. parce qu'il y a ces histoires d'Athénée dont il va falloir parler, voilà, j'ai oublié. Parce que c'était aussi un éducateur. Et donc les gens, ils n'avaient pas été à l'école, mais le soir après le travail, ils suivaient des cours. Alors, ils avaient tous des bibliothèques avec des bouquins scientifiques, c'est ça que je voulais dire. Donc tout ça, ça a duré. Et puis alors, il y a la répression. Il n'était pas parti en exil aussi, et donc il était venu en France. Ah oui, oui, mais il a tout suivi. Voilà, il a tout suivi. Mais ça, c'est marqué. Donc on arrive en 36. Donc il y a quand même pas mal de gens. Alors les 2 millions que tu cites, je pense pas qu'ils étaient tous anarchistes, mais enfin, ils étaient sympathisants, quoi. Après, ton grand-père, c'est un vrai militant anarchiste, donc il devait avoir un noyau de militants, mais leurs idées plaisaient. Alors, tant mieux. Si ça avait été des idées à la con, il y aurait peut-être eu 2 millions de syndicats dans un syndicat à la con. Là, c'était en Espagne, le fait est que, grâce à des gens comme ton grand-père, les idées anarchistes ont pris, quoi. Oui, c'est... Et c'est ça. Et la lecture de ce bouquin, c'est on a comment on arrive à 36. Alors, voilà, on a beaucoup de bouquins. On a de plus en plus de livres, comme tu dis, La Révolution de 36, tout ça. Alors, pour revenir à ce que tu as dit, tu dis c'est souvent des intellos, mais non, même des mecs qui ont été ministres, je ne sais plus lesquels, ils ont fini leur vie maçon, ou Peratz, je ne sais pas, ou Garcia Oliver, c'était pas des... Mais c'est vrai, je crois que c'était pas des intellos, hein, c'était aussi. Des ouvriers. Hein, oui, c'était de la CNT, Garcia Oliver, ouais, et c'était pas ouais, mais ils n'ont pas laissé de manuscrits. Ah, si, parce que Peratz, c'est lui... Enfin, lui, il a... Oui, c'est pas ses mémoires, il a écrit l'histoire de la CNT. Mais c'est pas ses mémoires. Et oui, t'as raison, parce que et après, Garcia Oliver, c'est des interviews de lui. C'est des livres ouais. Plus d'archives. Enfin, ouais. c'est un travail d'historien. C'est pas du tout. Ouais, ouais. Là, il a voulu expliquer comment on applique l'anarchie dans sa vie courante. Et ça, c'est beaucoup plus courageux. La preuve, c'est beaucoup plus dangereux même. Parce que bon, les anarchistes qui donc théoriciens ou propagandistes aussi, ils vont comme je l'avais dit, ils ont trop peur parce que bon c'est vrai qu'ils se sont quand même plus peut-être mis en avant et ils sont obligés de fuir à l'étranger. Alors que lui, il n'a jamais fui. Il assume ses actes. Il fallait qu'il les trouve, hein, parce que bon, on l'explique aussi. Hein, il fallait qu'il le prouve. Bon, des fois, il le mettait en prison même sans preuve. Hein, mais enfin, ça c'était l'époque. Hein, mais lui, bon, ça apparemment, il l'assumait. Bon, c'était quelqu'un de spécial, hein, parce que voilà. Thiel, vas-y. Oui. Bonjour. Bonjour. J'avais envie de demander. Entre autres, à l'attention des jeunes générations qui sont dans la salle, mais pas que. Si vous pouvez raconter un petit peu sa jeunesse et qu'est-ce qui a mené un jeune de ce temps-là vers l'anarchisme, comment il l'a découvert, qu'est-ce que ça signifie pour lui au début. D'accord. Justement, bon, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'il parle de sa naissance en 1889. Il explique donc, il explique pas sa vie là, mais il dit donc, il explique dans son village. Donc pour lui, c'est vrai qu'il dit que c'est un village. Bon, il explique que son village est quand même assez ouvert. Enfin bon, il fait un peu, ça peut être un peu exagéré ça. Et puis après, bon, il explique que bon, c'est, en fait, lui, il explique ça parce qu'il pense qu'il était rebelle de naissance. Enfin bon, voilà, plus ou moins. Ça, je sais pas si c'est vrai, mais enfin. Enfin, il explique qu'il a été à l'école. Et comme j'expliquais tout à l'heure, bon, l'école à l'époque, soit c'était des religieux, et là où c'était une école publique, là c'était une école publique. Hein, mais enfin, il y avait tellement d'enfants, j'ai lu que l'école dans ces années-là, il y avait 200 élèves pour un instit. Hein. Alors ça peut pas être une éducation, ça peut pas une instruction. C'était qu'un gardiennage féroce. Alors quand il y avait un gosse, parce que lui justement il explique une anecdote, parce que c'est un enfant, il a 7 ans, il a été à l'école, apparemment c'était à 7 ans qu'on allait à l'école, 6-7 ans, et lui bon c'était un enfant bon joueur, comme tous les enfants de son âge, et il a fait une bêtise, enfin il raconte l'anecdote, et puis alors il est puni très sévèrement, hein. D'abord il reçoit des coups de badine sur les doigts, et après on le met dans la cour avec des livres, et chaque fois que les livres tombaient, bon, on le refrappait. Donc après, il raconte que bon, après, comme il a été, parce que c'était l'enfant de qui là, enfin bon, c'était un notable, je crois, qu'il avait dénoncé. Évidemment, après l'école, il a été se bagarrer avec ce garçon, Évidemment, ce garçon a pété ce plan de sa mère, qui l'a redonné une correction, bien sûr, à cette époque-là, bon, c'était comme ça. Alors bon, et puis après, comment dire, qu'est-ce que c'est, comment ça s'est passé? En même temps, c'était le fils de l'instituteur. Non, c'est pas le fils de l'instituteur. Enfin, après, il y a une autre histoire. Comme ça, c'était le fils de l'instituteur. Je dis bon, là, c'est plus la peine. Je vais me faire, pas la peine. J'ai pas envie de me faire encore taper dessus, etc. Donc, il abandonne l'école. Bon, alors là, lui, il explique que bon, il n'est pas, lui, il n'aime pas la torture. Donc, c'est pas un centre, c'est pas une école, c'est un centre de torture, quoi. Alors après, donc après, c'est là que sa mère lui dit bon, si tu veux pas aller à l'école, ben tu vas être cordonnier. Enfin, tout le monde n'était pas cordonnier à Uda. Alors lui, bien sûr, il est petit, il a 7 ans, il dit oui, cordonnier, bon, je veux bien être cordonnier. Alors, bon, donc après, on le voit qui va, enfin, il explique plutôt, parce que moi, c'est vrai que je le vois, c'est vrai que c'est comme c'est un espèce, on dirait un film presque, ben, on l'imagine quand on lui fait, moi, c'est comme ça que quand je l'ai vu, je me suis fait un film, quoi. Et alors, on le voit donc avec ses jeunes patrons, enfin, c'est un jeune patron, là, ben, ils s'entendent bien, tout ça, mais enfin, il apprend, il met très longtemps à être cordonnier, hein. Enfin, c'est qu'à 18 ans qu'il prend son envol pour faire cordonnier tout seul, quoi. Et puis alors après, justement, je pense qu'il a appris à lire. À l'époque, il devait y avoir des centres, ça il n'explique pas. Mais ma famille m'a expliqué qu'il a dû aller dans un centre ouvrier et en payant bon, presque rien, on vous apprenait à lire et écrire parce que c'était la base pour pouvoir se défendre face au patronat. Bon, bon, lui, il n'explique pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Hein, bon. Il fallait se défendre, les ouvriers, ben, dans les Athénées, il y avait des Athénées, comme tu disais. Et comme à Elda, c'était quand même assez grand, je pense, il n'explique pas là, hein, qu'il y avait un Athénée. Mais je pense que c'est ça, on a dû lui dire, bon, mon jeune garçon, si tu veux te défendre, il faut que tu apprennes à lire et écrire. Parce qu'après, pour lire, parce qu'il y avait déjà beaucoup de lectures, etc. Et alors, bon, alors après, il explique que un jour, parce que là, bon, après, il y a l'histoire amoureuse avec sa Dolores, sa compagne. Alors, il explique toute sa vie, tout comment il... Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est sociologique, un peu, le livre. Parce qu'on voit aussi comment on vit à l'époque. C'est un livre sur les mœurs de l'époque. Et à l'époque, quand on veut avoir des relations amoureuses avec une jeune fille, il faut demander à sa maman. Alors, il y a tout ce début du livre, c'est très rigolo, quoi, parce que c'est dépassé maintenant. Et alors, donc, même moi, il n'est pas encore les idées anarchistes, mais enfin, on va demander à la maman, on a des relations avant de se marier. Hein. Alors là, il y a des relations amoureuses, enfin, relations amoureuses, bon, c'est des relations. Je pense que c'est que parler, hein. Et bon, ils expliquent, et puis après, elle lui annonce qu'elle va être bonne sœur. Alors bon, alors là, il dit c'est pas possible, quoi. On voit les échanges, le dialogue, c'est vraiment à mourir de rire. Et puis bon, alors lui, il dit bon, après bon, il se réconcilie, puis il se dit bon, mais il voit que c'est pas ça, quoi. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il dit bon, moi j'en ai marre, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Je m'en vais, alors là, il laisse sa mère, enfin bon, il dit rien à sa mère, enfin bon, tout ça, c'est expliqué, c'est vraiment touchant, quoi. Et alors, il s'en va dans un autre village, Vienne, je crois que c'est le village, enfin, un peu plus loin, et là, il rencontre des socialistes. Et donc il trouve que c'est pas mal, parce que bon, c'est le socialisme quand même, bon, et tout ça, et donc, il rentre dans un groupe socialiste de Vienne. Et après, quand bon, il dit bon, il se dispute avec un patron, parce que toujours avec son caractère soi-disant bon rebelle, il se dispute avec ce patron de ce village, et il dit bon, je suis resté assez longtemps, je reviens à Elda, et comme ça, je vais voir où ça en est avec Dolores, enfin, parce que genre, il l'aime, quoi, hein, donc il a envie de reprendre, évidemment, et lui, comme ça, il va voir, il se dit je vais voir si elle m'aime ou elle m'aime pas. Et alors donc, il revient et effectivement, elle dit oui, bon, qu'elle l'aime, enfin bon bref, ça s'arrange. Et tout ça pour dire qu'après, les copains socialistes de Vienne, lui ont dit, eh ben, puisque tu rentres tu vas à ELDA, il n'y a pas de groupe socialiste, ben, écoute, on va te donner des noms de copains socialistes pour que vous fassiez une cellule aussi, enfin, vous fassiez un groupe. Alors, il dit, bon, ok, bon, alors, c'est ce qu'il fait. Alors, parce qu'au début, donc, il fait, et c'est lui, d'ailleurs, quand je suis allée aussi présenter le livre à ELDA, avec celui-là, hein, évidemment, et en espagnol, et dans son village, alors, enfin, dans son village, c'est une ville, une petite ville, c'était très, très émouvant, parce que les gens, même s'ils n'étaient pas, il y avait une partie qui était anarchiste, parce que, bon, j'ai pris contact avec la CNT de ELDA, et puis, mais il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout anarchistes, et alors, ça m'a fait rire, une anecdote très rigolote, un socialiste qui était là, il a dit, faudrait donner le nom d'une rue à Manuel Sirvent, parce que c'était lui qui avait créé la première cellule socialiste de l'époque. Alors, il avait lu le livre, il avait été enchanté, enfin bon, même si c'était un anarchiste, il le trouvait formidable, mon grand-père c'était quelqu'un de très très bien, etc. J'ai eu un contact avec le village natal de mon grand-père, qui a été formidable. Ça a été un moment vraiment très très très sympathique et très émouvant. J'ai gardé aussi des liens avec le copain de la CNT espagnol, qui s'est pourtant été, enfin bon, toi tu connais les problèmes. Mais bon, parce que j'étais allée le voir des années auparavant, et comme j'avais dit que j'étais la CNT, à Vignoles, pour eux c'était traître. Bon. Ah oui. Ah oui, j'étais bien reçue. Exact. Enfin, c'est très rigolo. C'est le même sigle, mais oui. Oui, c'est pareil, partout pareil. Et alors, je lui ai expliqué, alors il m'a cru quand même. C'était incroyable, je n'avais pas encore envoyé le livre. Et parce qu'il est très, c'était quelqu'un de très ouvert, très humain, hein, ce monsieur. Il est âgé, beaucoup plus âgé que moi. Et alors, il me dit, ah bon, vous ne touchez pas d'argent de c'est que c'est syndicat pourri, puisqu'il touche de l'argent du gouvernement, etc. etc. Bon. Alors moi, je lui ai dit que non. Alors, il dit, ah bon, bah, je vais réviser mon... Je vais m'enseigner, je ne sais pas quoi. Et puis après, quand il a lu le livre, alors là... vraiment, j'étais une réconciliation. Enfin, de toute façon, j'ai senti qu'on avait un contact humain sincère. Et quand on s'est revu pour la présentation, il m'a dit une chose. Parce que là, je suis allée avec Pierre-Luc Cabranson, qui n'est pas anarchiste. Hein, et il a dit, qui c'est ce type? Et elle dit, et puis les gens, de toute façon, ce qu'ils voulaient, c'était la petite fille du village, quoi. De quelqu'un de leur village, quoi. Alors, le reste, ça vous intéressait pas. Alors, comme c'était la première fois, je faisais une présentation, hein, plus ou moins, 100 fois à Madrid, j'ai été très, très chaleureux, et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, beaucoup, enfin, c'était très bien, quoi. Parce que j'ai été très bien reçue, pourtant, je ne pensais pas, parce que moi, je me dis, un anarchiste, parce que quand même, ELDA, c'était... c'était pas forcément. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'anarchistes, là, maintenant. Bon, alors donc, je me demandais. Et c'était plein, la salle était pleine. Il y a eu plus de monde que partout, hein, vraiment. C'était énorme, hein, parce que c'était énorme. Et je ne pensais pas, quoi. C'était énorme. Alors, après, donc, qu'est-ce que tu voulais savoir, là? Ça, c'est sa jeunesse. Après, il a rentré les copains anarchistes. Et après, oui, on était socialistes. Et alors, il faisait la propagande socialiste. Et alors, il le rencontre, c'était dans un café ou je sais pas quoi, et il veut lui vendre le journal. Et il dit, tu veux acheter le journal des révolutionnaires, bon, machin. Il dit, oh, mais non, ça, c'est un journal réactionnaire. Et elle dit, comment réactionnaire? Mais non! Enfin, alors, il défend ses idées socialistes qu'il avait. Et l'autre lui dit, mais non, comment dire, nous on reçoit, mais je le lis ce journal, parce que nous on reçoit toutes sortes de livres et de propagande, et moi je peux te dire que c'est réactionnaire, ça n'a rien à voir avec anarchisme, mais si tu veux savoir, moi on peut te prêter des livres si ça t'intéresse. Alors lui il dit, écoutez, si vos idées sont mieux que celle que je qu'il y a dans mon journal, moi, il n'y a pas de problème. Hein, moi, je suis ouvert à tout. Alors, j'ai toujours ouvert à tout. Enfin, c'est vrai, partout, il est toujours ouvert à tout, mon grand-père. Et alors, et c'est ce qu'il a fait. Bon, il les a rencontrés. Les anarchistes là, lui ont passé plein de propagande. Alors ça, ce qui est formidable, c'est justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, les anarchistes, c'est par la propagande, les anciens, enfin les premiers. Et c'est ce que mon grand-père a fait toute sa vie. C'est de la propagande, en fait. Mmh. Propagande. Bon, il est rentré dans le syndicat, il le dit lui-même. Hein. Le syndicat, pour lui, c'est pas important. Il le dit, hein, ça, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais lui, c'était son opinion. Lui, c'était l'anarchisme. Donc, c'était les groupes anarchistes avant tout. Et à l'époque, les anarchistes faisaient de l'entrisme dans les syndicats anarcho-syndicalistes. C'est-à-dire qu'ils essayaient d'orienter. Parce que, évidemment, dans les syndicats, c'est, normalement, c'est, comment on appelle ça, apolitique. Donc, même si les anarchistes disent que c'est pas de la politique, l'anarchisme, c'est quand même une politique. Parce que c'est quand même une vision de la société, comment elle est organisée, etc. On peut pas dire que c'est pas de la politique, même si c'est pas de la politicienne, bon, avec un parti, etc. Alors, donc lui faisait de l'entrisme, il trouvait que c'était important, le syndicat, justement, parce que c'est grâce au syndicat qu'on pouvait, propager les idées de changement de société. Alors, parce que lui, il disait que bon, quand on rentre dans un syndicat, rien que pour défendre c'est bien, il faut défendre ses revendications, enfin, comment on appelle ça ? Ses droits. Ses droits, voilà, ses droits. Ses droits, et même s'il n'y en a pas, ce qu'on trouve juste, parce qu'avant, il n'y avait pas de droits. Mais enfin, ce qu'on estimait juste, il fallait se défendre, quoi. Donc, il fallait un syndicat fort, bon, pour pouvoir se défendre, pouvoir faire des grèves, enfin, tout ce qu'on sait. Mais il pensait que si c'était que ça, juste pour obtenir, par exemple, un petit peu plus d'argent, ou une petite amélioration, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors, il disait, il faut quand même éduquer le peuple, hein, comme lui-même s'est éduqué. Pour que dans toutes les sphères de la société, c'est-à-dire justement l'économie, parce que lui disait, donc il le dit à un moment donné, l'économie, sociologie, enfin toutes sortes de choses, hein. C'était très très très très varié. Et il y a un endroit d'ailleurs, on le dit, qu'il est appelé au poste de police pour je ne sais quoi. Parce qu'il est tout le temps appelé, voilà, dès qu'il se passe quelque chose, c'est la faute de Servan. Alors, donc, on l'appelle, et lui, il dit que, bon, la seule chose qu'il a, c'est des livres, voilà, des livres, voilà, il dit, je peux vous les amener. Et il dit, vous en avez combien? Parce que ça, il pose le juge, vous en avez combien? 200. Il avait 200, et c'était au début. C'était au tout début de sa jeunesse. Il avait 200 livres déjà, chez lui. Il avait déjà lu 200 livres. Il était très jeune, il avait peut-être 20 ans ou je ne sais combien. Quoi. Ce livre explique bien que la propagande, c'était aussi pour éduquer le peuple pour un changement de société. Et que la société ne peut pas changer si le peuple n'est pas éduqué. Et bon, une autre chose que je voulais dire, que j'ai oublié de dire, bon, j'ai dit tellement de choses, c'est que il y a les livres. Mais il y a aussi l'éducation des enfants. Donc ça, c'était, l'école rationaliste. Parce qu'il en parle beaucoup dans son bouquin, et horreur, je l'avais oublié de le citer, c'est Francisco Ferrer Guardia. Francisco Ferrer, et c'était un des premiers pédagogues donc libertaires qui ont existé, parce que même avant Freinet était plus tardif en France, et là, c'était aussi l'école intégrale, ça s'appelle. Je ne sais pas s'il y a des instituteurs ici, mais bon, c'est l'éducation Freinet, mais bon, c'était Francisco Ferrer qui l'avait initié, ça s'appelait l'école moderne, parce que bon, c'était contre évidemment l'école des curés et l'école des bourgeois, et donc c'est une école révolutionnaire, parce que c'était mixte, bon, déjà c'est ça révolutionnaire, en plus, bon, c'était pour, évidemment, pour éveiller l'esprit critique des enfants, pour qu'ils puissent se débattre sans dogme. Enfin bon, il y avait aussi l'école dans la nature, dans la nature, parce que sinon les enfants restaient confinés en classe. Hein. Oui, l'hygiène, c'était très... Voilà, non, il y a un petit bouquin là, qui vient de sortir où ils ont ressorti les principes de... Oui. Lui, il dit une école morale. Et l'hygiène, ça tient une place super importante parce que chez les cathos, là, tout ça, on s'occupait, ils étaient crades, et c'était affreux, quoi, l'hygiène. D'accord. Enfin, donc, dans le livre, il met en avant Francisco Ferrer Guardia, parce que, bon, comment dire, il a été, bon, c'était en 1909, il a été fusillé, donc, par le gouvernement. Donc, enfin, c'était la monarchie. Quel âge il avait, il est né en 89. 20 ans. Mais tu sais, quand on travaille tôt, ouais. Et puis qu'on lit beaucoup, donc il était déjà très au courant. Et donc, bon, il le cite parce que justement, les anarchistes ont beaucoup aidé à la création de ces écoles libertaires. Il y en avait des écoles dans son livre. Et justement, il n'y en avait pas. Ah, et justement, dans son livre, il explique que justement, il y a eu, je sais pas si, c'est un militant hors pair aussi, Carbo, je sais pas si. Et donc, il lui explique, à la fin du livre, là-bas, j'ai fait une petite biographie très succincte, hein. Des noms cités, et donc il y a Francisco Ferrer, il y a Carbo, enfin des militants quand même connus dans le milieu libertaire espagnol, et que bon, évidemment, même moi je ne le connaissais pas, donc je peux comprendre que ce n'est pas très connu. Donc j'ai fait un petit répertoire parce que c'est intéressant de savoir qui l'a rencontré, parce que c'est, bon, des fois il explique qui sont ces personnes, mais c'est bien de savoir ce qu'ils sont devenus aussi. Parce que justement, dans les différents mouvements libertaires, il y en a qui prenaient certaines choses, et puis après, on voit que comment ils finissent, hein, à la fin de leur vie. Ça n'a rien à voir avec le début. Voilà, c'est pour ça que avec Aimé, on s'est dit que ce serait important de mettre une petite biographie de tous les noms cités, pour que les gens, s'ils connaissent certaines personnes, par exemple Segui, qui est très valorisé dans certains milieux, et bon, qui c'était exactement Segui. Parce que même une copine, Anna, m'a dit « Ah bon, je ne savais pas. » Alors, donc, c'était quand même important de faire des biographies. Et, enfin, lui, il en parle aussi, hein, et qui était un militant de la CNT. On parlait que l'éducation était très importante. Donc, éducation des enfants par des écoles libertaires. Et lui, il a aidé. Parce que comme il était de Elda, ses copains de Barcelone lui ont dit « Tu ne voudrais pas nous introduire dans ton village, toi tu connais quand même pas mal de gens. » Il y avait des milliers d'anarchistes qui restaient quand même, qui n'étaient pas connus et qui avaient pu rester à Elda quand même. Et puis il y avait l'UGT, la CNT, peut-être pas. Enfin, il avait été à l'UGT, parce que l'UGT, bon, il faisait pas mal de grèves ensemble. Il explique que, comme il n'était pas sectaire, si la cause était bonne, il n'y a pas de raison de ne pas s'allier. Et donc il est allé avec deux copains, un qui est devenu directeur et l'autre instituteur. Et après, il y a, en ce moment, je ne sais pas si tu l'as lu, il y a ma sœur en espagnol. Il y a lu un livre d'une femme. Antonia Maimon. Et justement, elle a enseigné à Elda quelques années après. Oui, c'est une pédagogue méconnue parce qu'il n'y a rien en français sur elle. Il n'y a pas pour la traduire. Et il y a un bouquin à traduire, oui. Oui, il y a un bouquin à traduire, voilà. Et celle qui a écrit le bouquin, j'ai connu. Hein, elle est décédée, oui. Ouais. Je vais trouver son nom. On l'a peut-être le bouquin. Pilar. Pilar Molina. Et elle était la compagne de Raphaël et il a quitté. Se sont séparés et du coup lui il est parti avec le la fondation, c'est ouais. Ça a été horrible et elle s'est suicidée, hein. D'accord. C'est une triste histoire. Et donc tout ça à cause des scissions. Non, c'était une histoire de couple, et aussi qu'elle n'a pas supporté qu'il l'emmène avec lui, alors qu'elle en avait fait autant de travail que lui. Quoi. Bon, on ferme la parenthèse parce que ça n'intéresse pas. Il y a Reinhardt qui va nous poser. Je suis sûr qu'il va parler du pacifisme. Non. Non. suis étonné d'entendre à deux reprises que la situation de publier des témoignages comme ça, que tu as dit, soit changée à 89 avec la chute du mur, tu en as parlé. Oui. Moi, j'étais un peu étonné parce que, bon, Franco est décédé dans les années 70, il y avait la transition finie à 82. On ne pouvait pas publier en Espagne des témoignages anarchistes, non. Il faudrait attendre 89, pourquoi ? Non, mais moi je parle de la France, hein, parce que bon, moi je ne sais pas trop comment ça se passe en Espagne. Moi, je te parle de 89, que ça a été difficile d'éditer donc, sur l'anarchisme, parce qu'avant 89, il n'y avait qu'une seule position sur l'Espagne. C'était, Aimé, justement, dans les raisons de l'édition, explique que bon, il n'y avait qu'une seule version, c'était celle des vainqueurs, ou alors de ceux qui avaient trahi la révolution. C'est-à-dire bon, évidemment, la droite bourgeoise, quoi, et puis les communistes. Les communistes ne voulaient pas que ça se sache quand même que c'est eux, enfin bon, c'est eux, bon, c'est ma version, bon. Enfin, il y en a plein qui l'ont dit, hein, je veux dire, je vais pas... C'est des staliniens, quoi. Hein, bon, c'était Staline à cette époque, donc qui a envoyé... Bon, comme c'est sa politique, hein, l'impérialisme soviétique de l'époque, c'est-à-dire que, bon, il fallait pas qu'en Espagne, quand même, qu'il y ait une révolution libertaire. Ils ont arrêté Batno, ils ont arrêté... Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, enfin vous raconter l'histoire, mais en 1917, les anarchistes ont été vaincus aussi par les bolcheviques. Donc, les théories anarchistes n'ont plus droit de presse, ou très peu, il y en a eu. Nestor Makhno, bon... Est-ce qu'il n'y avait pas en France, dans les années 70-80, des je pense qu'elle parle de l'édition officielle, pas des éditeurs libertaires, où c'était tenu quand même par les marxistes, qui dominaient un peu les milieux intellectuels en France, quoi. Donc, et pour que des universitaires s'intéressent à ça, il a fallu... C'est sûrement ça que tu voulais dire. Oui, moi, c'est ça que je voulais dire. Ouais. On en parle de l'université, là. Parce qu'au départ, ils pensaient... que l'université aurait eu les moyens d'éditer donc les mémoires. Donc c'est comme moi j'ai passé en 94 ma maîtrise, donc c'était possible. Enfin, ils pensaient que c'était possible. Et là c'était pas la même raison. C'était pas une question contre les anarchistes. Là c'était une question budget. Là c'était autre chose. Hein. Alors là après il fallait trouver des éditeurs. Bon j'aurais peut-être pu en trouver ailleurs si j'avais cherché un peu mieux. Mais bon là ça a été l'occasion avec les copains de Paris. Donc voilà ça s'est fait comme ça. Hein. Mais je veux dire qu'avant 89, je pense que j'aurais eu, enfin, ça aurait pas été. On voit on sait que depuis des années, je fais tous les ans une bibliographie anarchiste, et on voit quand même à partir de 90 et puis les mouvements sociaux de 95, il y a une explosion d'intérêt pour l'anarchisme dans l'édition qu'on appellerait en anglais mainstream, enfin courante. Après, il y a toujours eu des éditeurs anarchistes qui ont publié des textes anarchistes. Oui, voilà. Bien avant. Mais c'était espagnol. Voilà. Et à Toulouse, toujours édité. Voilà. Et puis, même en Espagne, comme tu dis, après la mort de Franco, il y a quand même des textes qui sortent en Espagne. D'ailleurs, c'est pour ça que peut-être que ça a été d'abord édité en Espagne. Ouais, hein, parce qu'il y a des fondations, il y a des choses. Hein. Sylvie, d'abord, et puis après, Rotti. Oui. Moi, en écoutant ce que tu disais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé un peu plus tard, quelques décennies plus tard, à Bordeaux, donc en France, avec notamment les frères Lapeyre. Moi, j'avais à chaque fois l'image, notamment d'Aristide Lapeyre et d'une certaine méthode libertaire. Permet d'être tout ça comme ça, où on propose, où on donne à lire, où on donne à écouter, où on donne à découvrir, et chacun fait son chemin. C'est exactement ça. Voilà. Oui, et c'est ça. Vraiment ce que j'ai entendu, et exactement. C'est très intéressant. C'est ce qui se passait à l'époque. Et d'ailleurs, il explique bon, que ce qu'ils aimaient bien faire, c'était après le travail, le dimanche, surtout le dimanche, ils allaient à la campagne, comme tu disais, peut-être par hygiène, je crois, à un moment donné, respirer le bon air, parce que bon, toute la semaine, ils avaient travaillé dans des ateliers, respirer la colle, bon, c'était pas très, pas très sympa. Et la colle des cordonneries, ça sent très mauvais. Oui, mais il n'y avait pas un côté toxique au niveau traitement du cuir, si je dis c'est pas rien. Ah ben oui, la colle déjà. Parce que mon père, il a été cordonnier aussi, et mon frère aussi. Ah, et okay. Moi, je respirais aussi quand j'allais dans l'atelier. C'est la colle néoprène. Hein. Vous connaissez tous, parce que tout le monde peut l'utiliser. Et c'est très fort, c'est vraiment toxique. Mais enfin, ils font pas coller quand même. Mais c'est vrai que c'est toxique. Donc, il y a un besoin d'aller s'aérer. Hein. Et en même temps, c'est sympa dans la nature, avec invité, comme ils disent. Et ben, ils discutent, qu'est-ce que tu as eu cette semaine? Enfin, je suppose que c'était comme ça, parce que bon. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a toujours cette... de débat, voilà, c'est ça. Et lui, après, bon, sa vie, bon, bah, ça, je ne l'ai pas raconté, je ne sais pas si je l'ai raconté. En fait, lui, il fait comme je le dis à un moment donné, il fait comme les prophètes, il va de région en région, faire des débats, bah, enfin, c'est son groupe anarchiste qui l'envoie, quand même, c'est son groupe qui paye, hein, parce que, bon, il l'explique. Ça, j'aime bien, parce que il y a des trucs comptables aussi. C'est assez rigolo. Il dit, ah, mais j'ai été payé par mon groupe anarchiste, ou je sais pas, ou c'est le contraire, c'est la CNT qui a payé, enfin bon, je sais plus. Mais enfin, il explique que parce qu'il n'a pas les moyens, lui, hein, de prendre, parce que c'était rare qu'un ouvrier puisse prendre le train et tout ça. Alors bon, alors on voit que ça lui plaît quand même, hein, de voyager, et puis après de rencontrer des gens, et puis de débattre, et puis de parler de. Voilà. Alors il fait des conférences, alors c'est incroyable, parce que bon. Marx et Bakounine par exemple, moi je ne me sentirais pas alors je ne sais plus qui disait, c'est vrai qu'ils avaient l'aplomb quand même, ils avaient de l'aplomb quand même, hein. Parce qu'après ils avaient des gens en face d'eux qui rétorquaient plein de trucs, hein. Voilà, donc ils allaient comme ça, droite à gauche pour proposer des idées révolutionnaires, quoi. Et c'est incroyable, sa vie, quoi. Oui, j'avais encore demandé un détail sur cette... Vous avez dit qu'il a organisé la collectivisation de la production des chaussures. Oui. Et est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment? Parce que une collectivisation autoritaire, on voit très bien un commissaire qui arrive et qui dit à tout le monde, bon, maintenant vous produisez pour le gouvernement sous mes ordres et peut-être vous serez payé un jour. Après... pour des libertaires qui s'auto-organisent entre eux, pour partager les choses, on voit bien, mais quelqu'un qui arrive et qui va organiser ça de façon anti-autoritaire, comment il a fait ? Voilà, il explique un petit peu quand même, hein, mais il faut savoir que, comment dire, justement, comme c'était des gens déjà qui étaient dans le syndicat CNT, donc c'est déjà, ils savent s'auto-organiser déjà. Les libertaires qui sont à la CNT, ils savent faire déjà. Donc, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui va leur dire ce qu'ils ont à faire. Alors, disons que lui, c'était juste un gestionnaire, si on veut, c'était pas un chef. Bon, quand il dit, bon, voilà, j'étais gestionnaire, on lui a donné la mission, en fait, de gérer, si on veut, tous les ateliers, etc., en disant, bon, ben, lui, on lui disait, peut-être que lui regrouper les commandes, par exemple, si on disait, bon, ben, l'armée, elle a besoin de tant de bottes, parce qu'il le dit, ça, c'est pour ça que je peux le dire, lui, il dit, après, il y a des réunions, parce que, justement, c'est toujours en débat, c'est toujours... en lien avec les travailleurs. Alors, c'est les travailleurs quand même qui disent lui n'impose rien, parce que d'abord c'est pas son caractère, hein. Il dit bon voilà, il y a tant de choses à faire, donc maintenant il faut s'organiser, est-ce que vous êtes d'accord pour faire toutes ces chaussures par exemple, parce que faut pas croire, mais justement ils ont travaillé beaucoup plus pendant cette période, que sous le patronat. C'est le dernier débat qu'on a eu le mois dernier. Ah bon, parce que bon, moi, c'est ce que j'ai vu, et puis ce que j'ai lu aussi par ailleurs, et ce qu'on m'a dit, parce que bon, moi, j'ai lu sur les collectivisations, etc., c'est qu'en fait, comme on était en temps de guerre, Il y avait beaucoup de choses. Il y avait des patrons qui étaient partis, donc il y avait des entreprises qui n'existaient plus. Donc celles qui avaient été collectivisées, il fallait qu'elles fassent aussi le travail que ces entreprises ne faisaient pas. Il ne faut pas oublier que certains patrons étaient partis. Hein. Alors d'autres étaient restés. Alors il explique à un moment donné, bon, ceux qui restaient, ils faisaient partie de la collectivité. Et puis voilà, et puis il avait son mot à dire comme tout le monde, mais il n'a pas plus qu'un autre. Voilà, il était considéré comme les autres travailleurs. Mais il faisait aussi, peut-être qu'il faisait peut-être pas des chaussures, mais peut-être qu'il faisait, bon, il faisait ce qu'il savait faire. Bon, voilà, il était quand même, s'il était gestionnaire, ben, il faisait toujours son travail de gestionnaire. Enfin, il était inclus quand même, il n'était pas exclu. Ceux qui étaient partis, ils étaient partis, mais ceux qui voulaient rester, il fallait qu'il fasse son travail comme les autres. Et donc lui, c'était pas un chef en fait, c'était comment on peut appeler ça, un animateur, coordinateur, voilà, c'est ça. Coordinateur. Et puis lui, après, au bout de 6 mois, il avait la mission de dire voilà, qu'est-ce qu'ils avaient fait, comment, enfin, parce qu'il explique aussi que à un moment donné, il a besoin de cuir, je ne sais quoi, il va le chercher à une autre ville. En expliquant aux copains, voilà, nous on a besoin de temps de faire. Voilà, il était coordinateur, mais c'était pas un chef. C'est juste, on l'avait nommé, on lui avait donné la mission de coordonner pendant 6 mois, et après on allait évaluer son travail. Et lui, il pensait qu'il avait fait bien son travail, seulement il était. Bon, ce qu'il oublie de dire là, il fait semblant de s'étonner. Qu'on l'a mis à l'écart. Enfin, il explique quand même aussi qu'on en a mis un autre qui était qui était autoritaire, qui allait obéir justement plus haut, quoi, et c'est-à-dire au gouvernement, quoi, et qui allait décider combien ils allaient faire de chaussures, etc. Mais là, c'était eux-mêmes qui disaient, bon, ben voilà, l'armée a besoin de temps, la population, chez tel quartier, a besoin de temps. Donc, ils faisaient une estimation des chaussures à fabriquer. Et alors, du coup, s'il fallait travailler 10 heures au lieu qu'avant, ils en faisaient 8, par exemple, ben, ils les faisaient, quoi. Ils décidaient à main levée, on les fait, on a besoin. Nos camarades au fond, ils ont besoin de chaussures, ils le disent à un moment donné. Il faut les faire parce que bon, on travaille plus, mais bon, c'est pour la bonne cause. Là, il faut le faire. Après, on verra après. Mais est-ce qu'il y avait toujours l'argent? Est-ce que ces échanges de ce travail étaient rémunérés par l'armée, par les... L'argent n'avait pas été parce qu'il y a. Non, il y avait plus d'argent, effectivement. Mais il y avait un salaire familial. Il explique à un moment donné, je crois. Je ne sais pas si c'est lui ou maintenant je confonds, je crois que c'est plus. Mais je crois qu'il n'y a pas qu'il explique pas. Ah, lui, dans le bouquin, il n'y a pas tellement sur la révolution. Non, il ne m'en parle pas, c'est parce que je l'ai lu ailleurs. Mais à Barcelone, j'ai lu, puis ailleurs aussi, il y avait un salaire familial qui avait été. C'était les. Des bons, quoi. Les ouvriers qui avaient décidé ça et qui disaient, bon. Il fallait que à chacun ses moyens, à chacun ses besoins. Attends, merde, je sais plus comment. À chacun ses besoins. Selon. À chacun ses besoins. Pensez déjà la formule. Qui la trouve. À chacun. À chacun selon ses besoins. Ouais. Et faire selon ses moyens. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui est costaud, etc., qui peut produire plus, ben, il n'aura pas plus parce qu'il se revendique plus, quoi. Parce que celui qui est plus faible a autant besoin de lui que lui que de manger. Voilà. Enfin, c'était pas par rapport à sa production qu'il sera payé. Parce que là, s'il travaille plus, c'est parce qu'il est plus costaud. Enfin, c'est ce qu'ils considèrent, hein, les anarchistes. Moi, je vous dis que voilà, c'est à chacun selon ses moyens. Et justement, ils ont instauré ce salaire familial parce que justement, il y en avait qui avaient plus de besoin puisqu'ils avaient une famille. Voilà, donc je crois que ça avait été bon. Alors, il y en avait qui avaient complètement enlevé l'argent dans certaines collectivités, mais c'était plutôt en province, ça, je crois. En Aragon. Hein, en Aragon. Mais tout ça, ces décisions, c'était. On voit dans le film Otro Futuro, un autre futur. On voit un peu comment étaient organisées ces collectivités. Il y avait une espèce de conseil municipal, si on veut, enfin, si je me souviens bien. Et toute la population était invitée. Et on discutait de tous ces problèmes, justement. Comment est-ce qu'on a aboli ces... Alors, il y en a qui ont aboli la notion d'argent. Donc, à ce moment-là, on venait se servir, par exemple, si on avait besoin de chaussures, ben, on venait chercher dans les ateliers. Bon, mais il fallait pas les prendre. Enfin, bon, voilà, on expliquait, bon, j'ai besoin de chaussures. Bon, ben, oui, c'est pas, t'as besoin de chaussures. Et puis, pour la nourriture, c'était la même chose. On venait se servir selon ses besoins. Selon son besoin, s'il y avait une famille de 4 personnes, et ben, on donnait pour 4 personnes. Voilà, un peu comme les restos du cœur. Enfin, maintenant, les restos. On venait chercher selon ses besoins. Et bon, voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, très bien. Merci. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut continuer la discussion autour d'un verre. Qu'en pensez-vous? Oui. Ben alors, merci pour d'être venu de Perpignan pour nous présenter ce bouquin. Ben non, tout plaisir pour moi. Qui, je rappelle, vaut la peine d'être lu et que vous avez avec une formidable réduction de 12 € au lieu de 15 sur la table. Voilà, donc on vous invite soit si vous voulez acheter le bouquin et puis en parler avec Mélodia ici. Voilà. Et si vous voulez voir si le manuscrit. Oui, regardez le manuscrit ça doit valoir le coup, ça. Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, c'est toi qui prends. Ouais, pour l'instant, c'est.